dans la misère sexuelle, on n'arrive même pas à en parler. Moi, je jouis de trop de privilèges pour me plaindre à la première personne de la misère sexuelle. Je n'ai qu'à considérer celle de mes amis, subir la dictature de l'art, non pas à la manière loufoque de Jonathan Mess, mais dans l'usure d'un angoissé reculant. C'est subir d'être télécommandé pour se trouver en permanent état d'illuminé. Bien évidemment, la politique professionnelle de l'artiste est là, le succès ou l'échec ne change en rien, fait qu'ils sont les premiers à vivre en état permanent d'illumination. Mais pour nous, artistes, l'illumination nous réserve des secrets de survie. Nous sommes un peu comme ce qu'était pour Friedrich Nietzsche, les faibles judéo-chrétiens habiles seulement à vivre en exilé du pain d'autrui des restes. Pour nous, les restes est royal, la totale. Cela revient au même de trouver la totale dans la misère que dans le luxe. L'esprit artistique produit une aura là où l'opportunité se présente. C'est le principe des plaisirs rétifs à la castration nécessaire pour faire partie de la société. C'est cela le pont maudit qui lie aristocratie et lumpen prolétariat. Mardi 5 août 2014. Je l'ai entendu vers l'après-midi marcher avec ses hauts talons devant ma porte et en tissu de la robe synthétique qui crissait quand elle bougeait. Je ne peux avoir la certitude que ce soit elle, mais quelle autre femme ferait un truc pareil. Il faut savoir, pour entendre mon interprétation honnête si délirante, que les femmes des quartiers d'artistes comme le 20e arrondissement sont toutes des podibondes femmes de lettres et que même jeunes, elles produisent pas ces sons. Elle s'était permise de se mettre en contact avec un contact Facebook à moi et je n'ai aucune idée de ce qu'elle a pu inventer, mais mon ami m'a offert de parler au téléphone pour que je puisse me soulager. Mercredi. Je crois qu'il y a malentendu. J'ai une ex-co-auteur couple maîtresse qui croit se reconnaître chaque fois que j'évoque des figures féminines fictionnelles, mais même théoriques, comme Béatrice ou les houris du paradis. Il arrive que de fil en aiguille, elle a déduit qu'une publicité de LinkedIn qui lui est parvenue avec mon profil montrait bien que j'étais un harceleur suicidaire. Et elle s'est mise à contacter tous les gens qui me connaissent professionnellement, dont j'imagine Monsieur Lurcher, et même ma famille, ma mère et ma tante, mais aussi une amie flirteuse qu'elle a sous-repérée. Est-ce pour cela que je ne peux plus faire des commentaires? Ce n'est pas l'immortalité, l'immoralité ou la lie martelée du maniaque qui vont résoudre l'important doute qui surplombe ma lecture des Dante. Et si je parle de canonisation, c'est pour ouvrir vers l'art la sainteté traditionnelle, en commençant par la médiocrité dorée qui prêchait à Aristote, si cher à Dante, qu'il fait allusion majestatique en chef de sa liste d'attente des philosophes. Donc, si ce n'est pas l'immortalité, c'est parce qu'elle est un phénomène pour Dante purement charnel et pour résoudre les doutes qui surplombent la Divine Comédie, il en faut quand même un écart. Ce n'est pas l'immoralité ni de l'idéologie scolastique d'un sadisme avéré, ni de son contraire si l'on pense aux voies d'échappée ouvertes par toute plasticité littéraire, puisque tout ça est imaginaire et on est dans un état de lieu du réel, du charme dantesque. Et la lie martelée du maniaque revient à tout le monde. Donc le jugement est un peu impossible.